Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 22 une déclaration pour témoigner l'indignation des Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora contre les États-Unis et les conservateurs sud-coréens qui conduisent la situation de la péninsule coréenne à la limite extrême d'explosion. En voici le résumé. Ce qui est le plus grave, c'est l'instigation sud-coréenne au frénésie de guerre des États-Unis. L'actuelle situation caractérisée par la manie extrémiste de la guerre nucléaire des États-Unis contre la Corée du Nord visant son extermination montre plus nettement que nous avons fait un choix sage d'avoir maintenu fermement l'armement nucléaire de la justice et de l'avoir développé tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Notre République, digne puissance nucléaire en Orient et maître des fusées en Asie, n'a rien à craindre ni à avoir peur et peut répondre à toutes les manières de guerre des États-Unis. Si les États-Unis portent atteinte le moindre du monde à notre souveraineté et à notre droit à l'existence, les puissants moyens de frappe nucléaire empreints des efforts et du sang de notre peuple anéantiront en un rien de temps le bastion de l'agression et de la provocation dans n'importe quel espace terrestre, aérien, maritime et sous-marin, et les vivats retentis sur la place de la parade militaire seront les cris de la victoire dans les combats contre les ennemis pour la réunification de la patrie. Les bellicistes sud-coréens qui se démènent témérairement à la confrontation fratricide servile aux États-Unis ne pourront éviter une frappe nucléaire et connaîtront le sort pitoyable. Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora doivent s'engager dynamiquement à la lutte pour rejeter les dangereuses menées de provocation de guerre nucléaire des États-Unis et des conservateurs sud-coréens avec le vaillant esprit de la nation détenant les armements nucléaires et mettre sur pied une puissance réunifiée des 80 millions de Coréens.